بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on va continuer, inshallah, sur la lecture de l'explication du livre de l'unicité de l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, avec l'explication du grand savant Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen, rahimahullahu ta'ala. Donc on était arrivé à un nouveau chapitre, donc on avait terminé l'étude d'un chapitre, et on devait commencer l'étude d'un nouveau chapitre qu'a mentionné ici l'auteur dans son œuvre, l'imam al-Bukhari, dans ce livre de l'unicité. Et dans la dernière allocution, donc hier, comme il nous restait pas beaucoup de temps, il nous restait à peu près une demi-heure, donc on avait parlé de certains sujets, ou plutôt de deux sujets. Donc on avait parlé concernant le mérite de ce qu'on nomme « shahid », du martyr, du fait qu'on avait dit qu'il y avait plusieurs catégories de martyrs, comme c'est mentionné dans différents récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que celui qui mourait en période de taroun, de pandémie ou d'épidémie, et qui patiente en cette période-là, qui est dans une terre d'épidémie, et qui patiente en espérant la récompense, et qui sait que tout cela provient, a été prédestiné par son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, alors on a dit qu'il meurt d'une mort shahid, de martyr. Et donc tous ceux qui meurent d'épidémie, avec ces conditions-là qu'on a mentionnées, donc meurent d'une mort de shahid. Et donc on avait fait un rappel sur les différentes catégories de martyrs, avec les nuances, et certains détails, en mentionnant certains détails sur cette question. Ensuite, on avait parlé d'une question très importante. On s'était fait un rappel en période de confinement, comment éviter les actes de désobéissance et les péchés. Et quelles sont les causes, justement, et ça peut, on pourrait développer ça dans d'autres assises, Inch'Allah, quelles sont les causes, justement, pour s'écarter de tout ce qui nous éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala, de tous ces péchés qui sont causes, hein, de l'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va commencer, Inch'Allah, sans plus attendre, dans l'étude d'un nouveau chapitre. Et aussi, avant de commencer aussi l'étude de ce chapitre, rappelez-vous, lorsqu'on a terminé le chapitre précédent, j'ai terminé avec un rappel concernant l'exemple de certains pieux de notre communauté, qui étaient vraiment des exemples pour tous les croyants, des générations qui suivront. Et on avait donné l'exemple de cette femme qui avait été persécutée à l'époque de Pharaon pour cause de son hymen. Donc elle avait été à l'époque de Pharaon persécutée pour cause de sa foi. Et on avait raconté cette histoire. On avait dit que c'était vraiment un exemple de fermeté, d'endurance et de patience dans la droiture et dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on avait donné aussi l'exemple. On avait parlé de cette histoire qu'il y a dans la sourate Yasin, cette très belle histoire que vous pouvez retrouver, qu'on appelle l'histoire de Ashab al-Qarya. Ashab al-Qarya. Et on avait fait, il y avait une similitude entre les deux personnes, aussi bien dans l'histoire de cette femme à l'époque de Pharaon, de ce grand tyran, parmi les plus grands tyrans qui aient connu cette terre. Et une histoire de cet homme, ensuite, on a dit dans l'histoire qu'il y a dans la sourate Yassine, Ashab al-Qarya, cet homme qui est venu du bout de la ville, donc on l'avait décrit lorsqu'on a mentionné l'histoire, on l'avait décrit que c'était une personne qui était malade, et lui est venu, et ensuite il avait professé sa foi et sa croyance en ces prophètes qui étaient venus appeler, justement, faire le rappel aux habitants de cette cité, au peuple de cette cité. Et ensuite, donc, il a mis en apparence, il a mis en évidence sa foi, et le fait qu'il croyait au message de ses prophètes, et donc il appelait son peuple à croire au message de ses prophètes. Et il leur a fait un grand rappel, une grande exhortation, et de là, ils l'ont tué. Et de là, ils l'ont tué. Et on a dit qu'ensuite, dans les versets, lorsque vous revenez aux versets dans la sourate Yassine, vous allez voir qu'ensuite, Allah Jalla wa Ala, nous informe qu'ensuite, il a entendu cette voix, qu'il dit qu'il rentre, cette annonce, hein, pour qu'il rentre au paradis. Et il y a l'annonce qu'Allah Jalla wa Ala lui avait pardonné toutes ses fautes. Et donc, on a vu la finalité, la récompense de l'endurance et de la patience et de la patience de cet homme. Ça lui a valu le paradis et ça lui a valu le pardon de son Seigneur. Et donc, une vie de félicité pour l'éternel. Une vie éternelle dans la félicité. Et donc, cet homme donc va jouir de l'agrément d'Allah et de la satisfaction d'Allah pour une vie éternelle. Et donc, on avait dit qu'il y avait une similitude avec cette femme, du fait que cette femme aussi, donc, a patienté, a enduré. Ensuite, elle a été exécutée, on a dit, par Pharaon. Et par contre, j'avais oublié de mentionner un fait très important qui dénote bien ici, qui insiste bien sur la similitude qu'il y a entre les deux personnes, du fait que dans les deux histoires, on a deux exemples de patience, du fait qu'il est dit dans un récit que lorsque Pharaon a voulu exécuter son dernier enfant, qui était un nourrisson, un bébé. Alors ensuite, il est dit dans un récit que le bébé a prononcé des paroles d'exhortation et d'encouragement pour sa femme, pour sa mère. Et donc, il l'a encouragé à patienter, en lui faisant le rappel que le châtiment dans l'au-delà sera pire que le châtiment d'ici-bas. Et donc, ça l'a encouragé à être patiente face à cette immense épreuve. Et donc, elle patienta dans cela. Il est même rapporté dans un autre récit très important où, justement, lorsque plus tard, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va faire le voyage de l'ascension, et donc il sera avec l'ange Jibril, alayhi salam, à un moment, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va sentir une bonne odeur. Et tellement que ça sera une très bonne odeur, une odeur d'un merveilleux parfum, alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va interroger Jibril au sujet de cette très bonne odeur. Et Jibril lui dit que c'est l'odeur justement de la femme de cette coiffeuse de la fille de Pharaon qui a été exécutée justement par Pharaon et qui avait patienté avec sa foi et sa religion. Donc vous avez vu, on avait terminé avec la citation de ces deux histoires. Vous pouvez les retrouver dans certains récits où c'est mieux détaillé. En tout cas, je voulais donner des exemples de gens qui avaient compris qu'est-ce qu'était l'unicité de leur Seigneur, qu'est-ce qu'était la croyance. Un exemple de gens dont la croyance en leur Seigneur et dont la religion avait pénétré leur cœur. Et ensuite, leur croyance était tellement inébranlable qu'ils ont patienté face à cette épreuve qui était immense. Ainsi, on va commencer sans plus attendre sur l'étude du nouveau chapitre. Donc, vous allez voir, hein, lorsque vous observez la classification des chapitres et l'ordre qu'a utilisé l'imam, l'auteur du livre de l'unicité, l'imam Mohammed ibn Ismail al-Bukhari. Vous allez voir que c'est très judicieux et très pertinent de sa part le fait d'avoir classifié ces chapitres et d'avoir mentionné ces thèmes-là. Donc vous avez vu dans ces premiers chapitres qu'il mentionne dans son livre de l'unicité, ces premiers chapitres, alors, il nous a enseigné des noms parmi les noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce chapitre aussi, il va nous enseigner deux noms parmi les noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. On avait dit dans d'autres cours, on avait dit qu'Allah Jalla wa Ala nous a révélé 99 noms. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a exhorté, incité à les apprendre, à les mémoriser, à les comprendre, et que cela aussi apparaissent à travers notre pratique de notre religion, c'est-à-dire notre compréhension de ces noms, apparaissent à travers notre bonne pratique de notre religion. Et parmi ces 99 noms, donc, que vous pouvez retrouver aussi bien dans le Coran que dans la Sunna, on a dit qu'Allah Jalla wa Ala a d'autres noms qui sont un mystère pour nous. qui font partie de la science de l'inconnu. Seul lui en a la connaissance, subhanahu wa ta'ala. Mais Allah Jalla wa Ala nous en a révélé 99, subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces noms, il y a deux noms qu'on va étudier ici, qui font partie de ce qu'on appelle Al-Asma Al-Husna. Allah appelle ces noms-là comme cela dans le Coran. Il les appelle Al-Asma Al-Husna, donc les noms sublimes. Et donc parmi ces noms-là, As-Salamu Al-Mu'min. As-Salamu Al-Mu'min, que vous pouvez retrouver dans la sourate Al-Hashr. Et c'est le verset 23. Donc dans le verset 23 de cette même sourate qu'on vient de mentionner ici, vous pouvez retrouver le verset où il y a la mention, entre autres, de ces deux noms. As-Salamu Al-Mu'min. Et ça va être ça le sujet, le thème de ce chapitre. Ça sera d'étudier le sens de ces deux noms. As-Salamu Al-Mu'min. Donc le sens de ces noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous allez voir ensuite le profit qu'il y a et le grand bénéfice et l'utilité qu'il y a pour celui qui apprend cela, qui comprend cela ensuite. À travers sa pratique de la religion, le bénéfice qu'il va tirer de cette compréhension et de cette connaissance-là. Donc, As-salamu al-mu'min, as-salamu kama qulna min asma'illahi jalla wa ala. Wa kadhalika al-mu'min min asma'illahi jalla wa ala. Donc, ces deux noms font partie des noms sublimes. Wa kullu asma'illahi wa sifatihi laysa fiha naqsun wa la aib. Wa idhan as-salamu ismun masdar. فيكون الوصف به من باب المبالغة فالله عز وجل السلام هو السلام أي سالم من كل عيب ونقص وحياته ليس فيها نقص ولا عيب وعلمه ليس فيه نقص ولا عيب وقدرته ليس فيها نقص ولا عيب وسمعه ليس فيه نقص ولا عيب وبصره ليس فيه نقص ولا عيب فكل أسمائه وصفاته ليس فيها نقص ولا عيب. Donc, cher Ibn Uthaymeen, tout d'abord pour nous expliquer ce nom As-Salam. Qu'est-ce que veut dire As-Salam? Et on va comprendre que dans ce chapitre, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a interdit, par exemple, de passer le salam au Seigneur. En disant, par exemple, As-Salamu ala Allah, par exemple. Pourquoi? Parce que Allah lui-même, c'est As-Salam. Allah lui-même, c'est As-Salam. Ensuite, on va l'expliquer et on va comprendre le sens ensuite de As-Salam. Et du fait qu'Allah, Jalla wa Ala, lui-même, c'est As-Salam, donc le prophète, alayhi salatu wa salam, nous a interdit de passer le salam à Allah en disant As-Salamu ala Allah, comme on va le comprendre dans ce chapitre. Et donc, parmi les noms sublimes, comme on a dit, on a As-Salam. Qu'est-ce que veut dire As-Salam? As-Salam, c'est celui qui est exempt de tout défaut. C'est celui qui n'est pas touché par quelque forme d'imperfection ou de déficience ou de manquement ou de diminution. As-Salam, c'est pour ça que je reste sur le terme en arabe pour bien qu'on puisse le comprendre. As-Salam, c'est celui qui a la perfection. C'est celui qui est exempt de toute forme d'imperfection, de manquement, de diminution, de défaut. Pour cela, Cheikh ici nous explique que le terme As-Salam, c'est celui qui est salim. Salim, il est à l'abri. Il est exempt de toute forme d'imperfection. Et pour cela, Cheikh ensuite nous dit, sa vie n'est pas touchée par l'imperfection ou par quelques défauts. Sa science aussi, sa science est parfaite et elle n'est pas touchée par les défauts et les imperfections. La vie de notre Seigneur, hayatuhu wa ilmuhu wa qudratu, sa puissance aussi est parfaite et elle n'est pas touchée par quelque forme d'imperfection ou de défaut ou de déficience. Sam'uhu, de même son audience, c'est une audience parfaite qui est exempte de toute forme de défaut ou d'imperfection. Wa basaru, de même sa clairvoyance. Sa clairvoyance est exempte de toute forme de déficience, de défaut. Donc à lui, la perfection, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, notre Seigneur détient les plus beaux noms et les plus beaux attributs. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, comme on l'a dit précédemment, est exempte de toute forme d'imperfection. Donc Allah, jalla wa ala, subhanahu wa ta'ala, n'est pas touché par les manquements, par les déficiences, par ces diminutions-là. C'est pour cela qu'on dit que Allah Jalla wa Ala, huwa as-salam, as-salam. Et de ce fait, vous comprenez le terme ici directement en arabe. Et il est préférable de comprendre les termes directement en arabe. Et de ce fait, parmi les noms sublimes d'Allah Jalla wa Ala, as-salamu. C'est pour ça que vous pouvez retrouver dans de nombreuses invocations qui nous ont été enseignées par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la mention de ce nom qui est as-salam. Par exemple, dans un doa qui est célèbre, dans une invocation célèbre, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné de dire « Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, tabarakta ya dal jalal wal ikram » par exemple. « Allahumma anta as-salam wa minka as-salam »« Oh Allah, c'est toi as-salam et de toi provient as-salam » Vous avez vu? Donc Allah Jalla wa Ala, c'est lui, As-Salam. Donc Allah Jalla wa Ala est celui qui est exempt de tout défaut, qui est à l'abri de tout cela, subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas touché par ces formes d'imperfection. Tandis que l'individu, lui, est touché par ses déficiences, ses manquements-là et ses imperfections-là. Mais Allah Jalla wa Ala, lui, détient les plus beaux noms, les noms sublimes et les attributs de perfection, subhanahu wa ta'ala. Pour ça, Cheikh ici a bien insisté et souligné sur cela. L'audience, par exemple, d'Allah, la science d'Allah, subhanahu wa ta'ala, la puissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sa clairvoyance, sa vie à notre Seigneur, tout cela n'est pas assujetti, n'est pas touché par quelque forme de manquement ou d'imperfection. Allah Jalla wa Ala, huwa as-salam. C'est lui, as-salam. Et du fait qu'Allah Jalla wa Ala, c'est as-salam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et de lui provient as-salam, donc c'est lui aussi qui met à l'abri ses serviteurs. Il les préserve, il les protège par sa grâce. Il les met à l'abri de toute forme de mal, subhanahu wa ta'ala. Donc pour celui qui s'en remet véritablement à Allah Jalla wa Ala, et qui sait que son Seigneur est celui qui met ses serviteurs à l'abri de toute forme de mal ou de maux, eh ben, alors, ensuite, il va bénéficier de ce salam. Il va chercher ce salam auprès d'Allah Jalla wa Ala. Pourquoi? Parce que Allah, c'est lui, as-salam, et de lui provient as-salam. Donc, c'est de lui que provient la protection, la préservation. C'est de lui que provient le salut, la paix. Et de ce fait, eh ben, lorsqu'on a compris véritablement le sens de As-Salam, donc Allah, Jalla wa Ala, c'est lui As-Salam. Pour cela, on ne peut pas passer le salam à Allah, Jalla wa Ala. C'est pour cela que vous allez voir dans le prochain hadith qu'a mentionné l'imam al-Bukhari. Donc après avoir fait allusion à ce verset, en guise d'intitulé, de titre à ce chapitre, ensuite l'imam al-Bukhari va citer un hadith. Et dans ce hadith, vous allez voir, on va parler de at-tashahhud, ce tashahhud qu'on fait pendant la prière. Donc, dans la première assise, à partir de la deuxième unité de prière, la deuxième raka'a. Donc, on fait ce qu'on appelle at-tashahhud en disant at-tahiyyatu lillah wa salawat wa tayyibat, assalamu alayka ayyuha an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, wa salamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Et ça, on va l'apprendre dans le prochain hadith et on va parler justement de la manière de faire tashahhud avec le sens de ce tashahhud. Mais avant cela, regardez au début du récit que va nous enseigner l'imam al-Bukhari, un compagnon, faqala Abdullah, kunna nusalli khalfa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Un compagnon disait alors que l'on priait derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fanaqulu as-salamu ala Allah. Et on disait que le salam soit sur Allah. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله هو السلام. إن الله هو السلام. Donc vous avez vu dans ce hadith, il y a une preuve claire que les compagnons avaient dit السلام على الله, que le salam soit sur Allah. Et là, le prophète صلى الله عليه وسلم a rétorqué Allah est le salam. إن الله هو السلام. Pour cela qu'on ne peut pas passer le salam à Allah جل وعلا en disant السلام على الله. Comme on dirait par exemple à une tierce personne lorsque vous dites Assalamu alaikum, par exemple, c'est le salut des musulmans, ou Assalamu alaika. Vous avez vu, ce salut-là, on le fait aux êtres. Mais on ne peut pas saluer Allah de cette manière en disant Assalamu alallah. Et c'est pour ça que le prophète, sallam, lorsqu'il a entendu les compagnons dire cela, alors ils ont dit Assalamu alallah, le prophète leur a enseigné directement que Allah, jalla wa ala, hu assalam, c'est lui Assalam. Donc on ne peut pas lui passer le salut en lui disant Assalamu ala Allah. Mais il leur a appris de dire At-tahiyatu lillah. At-tahiyatu lillah. Les salutations appartiennent à Allah. Was-salawat wa-t-tayyibat. Comme on verra dans la manière de faire At-tashahud. Et ça fait partie de la manière d'enseigner du prophète, sallam. Alors qu'il leur a interdit de dire Assalamu ala Allah, il leur a mentionné premièrement la raison, pourquoi, et ensuite il leur a donné une solution, quelque chose en échange. Et ça, c'est la méthodologie prophétique de notre prophète, sallam. Et il faut prendre cette manière de faire, cette manière d'éduquer, cette méthodologie ici concernant l'éducation, il faut la prendre et la mettre en pratique. Lorsqu'on interdit à quiconque, à une personne, une chose, donc on lui enseigne le pourquoi est-ce que cela est interdit, la cause. Ensuite, on lui donne en échange ce qu'il faut faire. Et de ce fait, la personne est plus à même ensuite de s'abstenir de cette chose-là, et il comprend pourquoi il s'abstient d'une chose, pourquoi cela en religion n'est pas faisable, et ça ne fait pas partie de la bonne éthique, et il a quelque chose en échange à faire. Et ça c'est la bonne méthode de notre prophète, alayhi salatu wa salam. Donc Allah Jalla wa Ala, on ne dit pas assalamu alayk. Mais pourquoi? La raison, c'est parce qu'Allah Jalla wa Ala, comme on l'a dit précédemment, c'est assalam. Et on a dit que le prophète, dans différentes invocations, nous a enseigné cela. Comme on a dit précédemment, Allahumma anta assalam wa minka assalam, tabarak ta yad al-jalal. Dans ces deux-là, on a aussi les compagnons. Ça nous est rapporté, par exemple, de compagnons. Par exemple, à la première vision de la maison antique, Al-Kaaba, à la Mecque. Lorsque les gens se rendent à la Mecque pour accomplir un pèlerinage ou bien pour accomplir une Umra, et à leur première vision de la Kaaba, de la maison antique, si on peut la traduire, traduire le terme de cette manière, à la première vision, on peut dire Allahumma anta salam wa minka salam, Allahumma hayyina ya rabbana bis salam, par exemple. On peut dire cela. Allahumma ya rabbana hayyina bis salam, par exemple. Allahumma anta salam wa minka salam. Et cette manière de faire, cette invocation-là, la première vision de la Kaaba, ça nous est rapporté de compagnons. En l'occurrence de Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala, an. Donc on voit bien à travers ces invocations que Allah est salam. Et donc c'est lui qui met à l'abri ensuite du fait qu'Allah Jalla wa Ala est exempt de toute forme d'imperfection. Huwa salim min kulli aib wa min kulli naqs, comme l'explique Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Et ben c'est lui qui nous met à l'abri de tous les dangers, c'est lui qui nous met à l'abri de tous les maux, de tout mal, c'est lui qui va nous accorder le salut, la paix. C'est pour ça que les savants nous disent, vous savez, ce salut, lorsqu'on dit assalamu alaikum, beaucoup de gens ignorent assalamu alaikum. Il y a une sorte d'invocation, de demande ici, d'imploration ici. Lorsque vous passez le salam à votre frère ou à votre soeur en disant assalamu alaikum, et ben là vous êtes en train d'implorer pour lui le salut, la paix, c'est-à-dire qu'il soit à l'abri de toute forme de mal, qu'il soit préservé par la grâce d'Allah de tout mal. Et ça, c'est vraiment une parole qui est très très lourde. Et très, le sens est immense. Et de ce fait, lorsqu'on a compris qu'Allah est as-salam, donc on sait donc que ce salam provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le dit lui-même le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Allahumma anta salam, wa minka salam, wa minka salam. Donc Allah est le salam, et de lui provient donc le salam. De lui provient la paix. C'est Allah Jalla wa Ala qui procure le salut, qui procure la paix. Et lorsqu'on salue nos frères, nos sœurs, en disant Assalamu alaikum, et bien là, on demande, on implore que le salut soit sur eux, sur nos frères, on implore que la paix soit sur nos frères. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important, de comprendre justement l'essence. Ainsi, on comprend véritablement donc que notre religion est basée sur la paix. Et le fait de comprendre l'essence de ce qu'on dit, c'est très important. Et la science et la compréhension de la religion sert à ça. Lorsqu'on dit quelque chose, le fait de comprendre l'essence de ce qu'on dit, le fait de comprendre les implications de ce qu'on dit. Lorsque vous passez salam, et vous avez vu, c'est le salut aussi des gens du paradis. Donc c'est une parole, c'est une salutation qui est immense. Et c'est pour ça l'importance de comprendre l'essence. Cette religion est basée sur la paix. Et c'est pour cela que, comme disent les savants, une personne qui comprend bien sa religion et qui a une bonne pratique de sa religion, où est-ce qu'il passe? dans n'importe quel endroit, dans n'importe quelle contrée où il va passer, où il va marcher, il va semer la paix et le bien. Pourquoi? Parce que le musulman, c'est une personne de bien. Et c'est une personne qui reflète le bien. Et c'est une personne qui laisse, où il passe, il va laisser les traces de ce bien. Il va avoir une influence, une bonne influence envers les autres. Et de ce fait, lorsqu'on a compris que cette religion est basée sur cela, et donc on avait parlé, lorsqu'on a parlé du chapitre relatant l'attribut de la miséricorde de notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, on a dit, il faisait miséricorde à ceux qui étaient miséricordieux ici-bas. Et c'est pour cela qu'on avait appris le hadith du prophète qui disait, soyez miséricordieux sur terre, et Allah jalla wa ala vous fera miséricorde dans les cieux. Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur terre et Allah jalla wa ala vous fera miséricorde dans les cieux. Donc ça, c'est très important. Donc lorsqu'on passe le salam, on espère que celui à qui on a passé ce salam, celui dont on a salué, on espère qu'il soit à l'abri de tout mal. On espère qu'il ait la paix. On espère le salut pour lui. On espère qu'Allah jalla wa ala lui procure tout bien. On espère qu'Allah jalla wa ala, par sa grâce, le préserve de tout mal. Donc c'est ça le salut. Donc vous avez vu, cette religion est basée sur ça. Et lorsqu'on avait parlé les fois précédentes de cette libération qu'était l'islam, le fait que les hommes avec l'islam avaient été libérés de beaucoup de choses. On avait donné de nombreux exemples à cela. Et on avait dit le fait de comprendre le contexte lorsque le prophète sallam est venu, le contexte que vivaient les Arabes à l'époque, le contexte, on avait dit, religieux, social, le contexte économique de l'époque dans la péninsule arabique, cela nous aide à comprendre le message du prophète, alayhi salat wa salam. Parmi les choses à comprendre du contexte des Arabes à l'époque dans la péninsule arabique, c'est que les Arabes étaient en tribus, et les Arabes étaient divisés en tribus, et les Arabes se livrer des guerres incessantes et interminables. C'est pour ça que si vous lisez vraiment le contexte de l'époque, le contexte historique de l'époque, on avait dit que c'est très important de revenir à cela, vous allez voir que parmi les méfaits de l'époque, les Arabes étaient en guerre. Ces tribus et ces clans, donc c'était dans la péninsule arabique, la péninsule était composée de clans et de tribus, et avec beaucoup de guerres. Et comme on a dit, elles étaient incessantes, elles étaient interminables. Regardez, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, arriva à Médine, donc à l'époque du prophète, Médine s'appelait Yathrib, et il y avait deux grandes tribus à Yathrib, deux grands clans. Il y avait l'Aus ou l'Khazraj, et ils se livraient des guerres incessantes, des guerres interminables, des conflits interminables. Et les gens vivaient et supportaient ces conflits. Et l'islam, lorsqu'il est apparu, c'était une libération pour les Arabes. Ça a uni les clans et les différentes tribus arabes. Jusqu'à ce qu'après, toutes les tribus et tous les clans arabes étaient devenus un seul clan. Alors, comme on a dit, la péninsule arabique était composée de différents clans, de tribus, de différentes et d'énormes tribus qui composaient justement la péninsule arabique. Plus tard, toutes ces tribus qui étaient beaucoup parmi elles, qui étaient en guerre, hein, des guerres incessantes, vont devenir tous frères avec le message de l'islam. L'islam va les libérer de ces guerres, de cette animosité, le fait qu'ils soient des ennemis les uns les autres. Pour ça, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite arrivera à Médine, et bien l'Aus ou l'Khazraj vont devenir des frères. Et c'est pour ça que ça fait partie des grands bienfaits à méditer. Regardez dans la sourate, lorsqu'Allah jalla wa ala dit فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Et Allah jalla wa ala a uni vos cœurs, et vous êtes devenus par son bienfait tous des frères. Donc vous avez vu, le fait qu'on se considère comme des frères, cette notion de fraternité, eh ben c'est dans les textes, c'est aussi bien dans le Coran que dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah jalla wa ala dit que ça faisait partie de ses bienfaits. Donc ça, c'est quelque chose à méditer vraiment. Parmi les bienfaits d'Allah jalla wa ala, c'est qu'Allah jalla wa ala a réuni les cœurs. Et tous ces clans qui se vouaient des guerres interminables, ils vivaient des conflits interminables et des disputes et des querelles interminables. Eh ben, la finalité, avec la venue de l'islam, du message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils sont devenus tous des frères. Ils se sont unis, leur cœur était uni. Ils sont devenus plus plus que des amis. Ils sont devenus des frères comme Allah Jalla wa Ala nous le mentionne dans le verset de Sourate Ali Imran. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَ. Vous êtes devenus des frères par le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que Allah Jalla wa Ala dans le même verset nous dit, alors que vous étiez des ennemis, alors qu'ils étaient à la base des ennemis, Allah Jalla wa Ala en a fait des frères. Donc ça c'est un bienfait qu'il faut méditer. C'est pour ça que tous les musulmans sont frères. Innama al-mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum. Certes, les croyants sont tous des frères dans un autre verset Allah nous dit. Innama al-mu'minuna ikhwa. Certes, les croyants sont frères. Fa aslihu bayna akhawaykum. Et réconciliez entre vos frères dans une traduction relative du sens du verset. Et ça c'est très important. Allah veut de nous qu'on soit unis. C'est pour cela que méditer dans de nombreux versets, Allah Jalla wa Ala a interdit la division. Dans notre religion, la division est interdite. Et c'est pour ça que c'est quelque chose à méditer lorsqu'on passe le salut, lorsqu'on se passe les salutations en disant « Assalamu alaikum ». On espère la paix et le salut pour nos frères. C'est ça le musulman. Le musulman, c'est ce qu'il espère pour les autres. Et comme on a dit, véritable croyant, l'individu, que lorsqu'il va aimer pour les autres ce qu'il aime pour lui-même. Et ça, c'est un degré qu'il faut atteindre. Le Nabi Sansam, il dit, « La yu'minu ahadukum » ne sera vraiment et véritablement croyant. Regardez, c'est-à-dire que le prophète a nié l'iman et la croyance, si ce n'est pour celui « Hatta yu'min, hatta yuhibba li akhi, ma yuhibbu li nafsi » jusqu'à ce qu'il va aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et c'est pour cela que cette connaissance, par exemple, de ce récit, il ne faut pas que ça soit juste une théorie, mais il faut vraiment que ça apparaisse et se reflète à travers notre pratique. Il faut vraiment espérer, il faut atteindre ce niveau et ce degré d'islam, d'espérer pour autrui ce qu'on espère pour soi-même. Et donc, vous avez vu, lorsqu'on comprend l'essence de ce qu'on dit, eh bien, de ce fait, on peut avoir une meilleure pratique de notre religion. Pour celui qui met en pratique ce qu'il apprend, pour celui qui veut que sa connaissance de la religion soit un argument en sa faveur, pour lui et non contre lui. Pourquoi ? Parce que celui qui ne pratique pas ce qu'il apprend, qui ne pratique pas ce qu'il essaie de comprendre, eh bien, ce qu'il a compris et son apprentissage et son savoir va être un argument contre lui le jour de la rétribution. Celui qui ne met pas en pratique son savoir, eh ben, tout cela sera contre lui. Et donc, pour pas faire que notre connaissance de la religion soit contre nous, il faut la mettre en pratique. Donc, regardez, parmi les grands interdits dans l'islam, parmi les choses que Allah Jalla wa Ala n'agrée pas, parmi les choses qui mettent en colère Allah subhanahu wa ta'ala, la division. Allah Jalla wa Ala nous a interdit la division. Et ça, vous pouvez le voir dans maintes versets. Dans maintes versets, vous pouvez le voir dans le Coran, par exemple, Allah a blâmé les communautés précédentes. Il les a blâmées du fait lorsqu'ils se sont divisés. Pour ça, dans maintes versets, dans différents versets, Allah Jalla wa Ala nous dit « وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ » Regardez dans un verset, lorsqu'Allah Jalla wa Ala nous dit « Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et ont divergé après que la clarification leur soit parvenue. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ » Et à eux un châtiment douloureux. Donc regardez, Allah Jalla wa Ala nous parle des communautés précédentes et Allah les blâme. Et il dit que, Allah nous informe que ces communautés précédentes, eh ben, se sont divisées et ont divergé après que le bayinat leur soit parvenu, après que la vérité leur soit ou leur a été clarifiée. Malgré cela, ils se sont divisés. Ils ont divergé. Et Allah Jalla wa Ala nous appelle justement à ne pas nous diviser. C'est pour ça que la division est interdite en religion. Et ça contredit même ce salut, ces salutations qu'on se passe lorsqu'on se dit « Assalamu alaikum ». Ça contredit ici cette demande. Le fait qu'on espère pour notre frère, on espère pour les autres, qu'ils soient à l'abri de tout mal. On espère le salut pour eux et la paix. Donc Allah Jalla wa Ala veut qu'on soit une communauté soudée, unie. Pour cela, regardez, si on observe le verset, juste ce verset où Allah Jalla wa Ala dans Sourate Ali Imran, on observe, c'est dans la même page. Dans la même page, dans Sourate Ali Imran, où Allah Jalla wa Ala dit que parmi les bienfaits dont il a comblé, eh ben, les hommes, le fait que, ensuite, avec cette religion, ils sont devenus unis. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَةِ إِخْوَانَ. Lorsqu'Allah a dit cela, ensuite Allah Jalla wa Ala, dans l'autre verset, donc après qu'Allah Jalla wa Ala nous a informé qu'il a uni les cœurs, après qu'Allah Jalla wa Ala dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إلى آخر الآية. Regardez au début du verset, Allah Jalla wa Ala dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, et accrochez-vous tous au câble d'Allah. Une traduction relative du sens du verset, وَلَا تَفَرَّقُوا, et ne vous divisez point. Regardez, Allah Jalla wa Ala ne voulait pas pour nous la division. Allah nous a interdit de nous désunir. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ, alors que vous étiez des ennemis. Regardez comment Allah Jalla wa Ala leur rappelle son bienfait. Alors qu'ils étaient des ennemis, فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, il a réuni vos cœurs. Et ensuite, regardez, vous allez prendre le verset suivant. Où Allah Jalla wa Ala dit وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, et que vous soyez une communauté, Allah Jalla wa Ala nous dit, que vous soyez une communauté qui appelle au bien. Voilà cette communauté. Voilà les musulmans, ceux qui comprennent la religion. Allah veut de nous qu'on soit une communauté qui appelle au bien. Une communauté. Il dit وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, et ils ordonnent le bien, ils blâment, ils réprouvent le blâmable. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, et regardez ce qu'Allah Jalla wa Ala nous dit, et eux seront الْمُفْلِحُونَ. الْمُفْلِحُونَ, c'est ceux qui vont connaître le succès et la réussite, ceux qui réussiront. Qui est-ce qui va réussir? Ceux qui appellent au bien, ceux qui sont unis, ceux dont les liens de fraternité sont soudés. Ils ne sont pas sur un fil, mais c'est vraiment soudé. C'est pas une fraternité qui est sur un fil, mais c'est vraiment quelque chose de lié, de soudé. Pour cela, Allah, le prophète, dans un hadith, lorsqu'il a parlé de cette communauté des croyants, il nous a comparé à un édifice. Un édifice. Quel bounienne. Il nous a comparé comme un édifice où les composantes de cet édifice, ce qui forme, les composantes hein, qui forment cet édifice sont solides. Donc le prophète, il nous a dit, il a comparé les croyants à un édifice. Et en disant que le croyant est le frère du croyant, le musulman, al-muslim, akhul muslim. Le musulman, c'est le frère du musulman. Wala yadhlimuhu, wala yahqiruhu. Et le prophète, sallam, disait, et ni il n'injuste envers lui, ni il ne le dévalorise, ni il le méprise, ni il l'envie. Wala tadhalamu, dans des hadiths, le prophète, sallam, nous dit, wala tahasadu, wala tadhalamu, wala tabaradu. Le prophète dit, ne vous enviez pas, ne vous haïssez pas. Donc, on a de nombreux hadiths où que le prophète sallam nous relate et nous illustre le lien de fraternité, jusqu'à ce que le prophète sallam aussi nous a même comparé à un seul corps, que les croyants, cette communauté, ne forment, c'est comme s'ils formaient qu'un seul corps. Vous avez vu, lorsque l'un des membres du corps est malade et il est touché, alors ensuite, il commence à avoir de la fièvre, ce corps. Et c'est tout le corps qui a mal. Et bien, le prophète sallam nous a comparé à cela. On serait comme un seul corps. Et lorsqu'un membre de la communauté a mal, c'est toute la communauté qui a mal. Lorsqu'un membre de la communauté est attristé, c'est toute la communauté qui est triste. Lorsqu'un membre de la communauté est éprouvé, c'est comme si toute la communauté est éprouvée. Lorsqu'un membre de la communauté est touché par de l'anxiété, par exemple, c'est comme si toute la communauté est touchée par cette anxiété. Et c'est ça les musulmans véritablement. Donc regardez, Allah Jalla wa Ala demande, il dit, il nous ordonne, il nous commande, wal takun minkum ummatun yad'una ila al-khair, et que vous soyez une communauté qui appelle au bien. Et c'est après ce verset, il dit que cela humul muflihun. Cela c'est ceux qui vont connaître la réussite. Et c'est ensuite dans le verset suivant que vous pouvez voir qu'Allah dit wala takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahum al-bayyinat. Et ne soyez pas comme ceux qui, avant vous, se sont divisés et ont divergé après que al-bayyinat leur soit parvenu. C'est-à-dire la clarté, la clarification en quelque sorte, traduction relative. Wa'ulaika lahum 'adhabun 'adhim. Et Allah dit pour eux un châtiment douloureux. Donc regardez, la conséquence de l'union, c'est la réussite. Allah Jalla wa Ala nous enseigne. Et les conséquences, la finalité de la désunion, de la division, c'est le châtiment douloureux. On n'a pas le droit de se diviser à la base. Donc la base, l'élément essentiel ici, ce qui est fondamental, c'est que la base, c'est qu'on n'a pas le droit de se diviser. Les croyants s'aiment les uns les autres. Et on avait fait un petit rappel dans la dernière allocution, et ça c'est très important. Si les gens savaient comment ils se rapprochent d'Allah, comment ils peuvent atteindre l'agrément d'Allah en s'unissant, en étant soudés et en s'aimant. Regardez dans un hadith, le prophète en somme, il dit que ces gens qui vont s'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la rétribution, ils auront des chairs de lumière, que même les prophètes vont leur envier. Regardez, ces gens, ils seront dans des chairs de lumière que même les prophètes vont envier. Dans le hadith où le prophète dit le jour de la résurrection, le jour où il n'y aura nulle ombre, si ce n'est l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette catégorie de gens seront, vont être protégés par cette ombre-là. Et parmi ces sept catégories, deux personnes qui s'aimaient en Allah, ils se sont unis pour Allah, ils se sont séparés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants nous disent la séparation ici, en l'occurrence Cheikh Ibn Uthaymeen, ils disent se sont séparés pour Allah, c'est dans le sens la mort. La mort les a, c'est pas un objectif cette vie d'ici-bas, hein. C'est pas de l'argent, c'est pas une femme qui les a séparés, mais ils ont été séparés par la mort. C'est la mort qui les a séparés. Sinon, avant cela, ils étaient unis, ils s'aimaient pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça la véritable compréhension. C'est pour cela que le fait de comprendre le tawhid, le fait de comprendre la religion, lorsqu'on a compris les questions fondamentales de la religion, on ne peut que aimer ceux qui ont compris cela et qui professent et attestent de cela. Ceux qui, comme on a dit dans une allocution précédente, et pourquoi on le répète, parce que ça, c'est les choses qui nous rapprochent véritablement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que celui qui a un cœur bon, et on a dit c'est cela, le tawhid c'est quoi? C'est de se purifier son cœur de toute forme d'hypocrisie. Purifier son cœur de toute forme de mécréance, purifier son cœur de toute forme d'animosité envers les autres, que sa poitrine soit saine, que sa poitrine soit pure. C'est pour cela que lorsque le prophète sallam a été interrogé au sujet des meilleurs des hommes, le prophète a dit celui qui a un cœur pur et une bonne langue, celui qui dit des bonnes choses. Et c'est pour ça préserver aussi sa langue. Celui qui a un cœur pur, il va préserver sa langue, surtout en période de confinement. En période de confinement, le fait que là, les gens doivent faire beaucoup d'istighfar, de beaucoup de demandes de pardon. C'est la période justement, c'est le moment de demander pardon. Pourquoi? Parce que, comme on a dit précédemment dans des assises précédentes, on ne sait pas combien de temps cette épreuve va durer. Et Allah Jalla wa'ala a prédestiné que cette épreuve va durer un temps. Ensuite, ceux qui seront épargnés de cette épreuve, ensuite, ils passeront à autre chose. Ensuite, le confinement sera soulevé et les gens vont vaquer à leurs préoccupations et à leurs occupations. Et seul Allah le sait. Et seul Allah le sait jusqu'à ce qu'arrive le terme qu'a fixé et qu'a déterminé notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Dans tous les cas, Wallahu a'lam, les gens iront vaquer à leurs préoccupations. Et de ce fait, c'est maintenant justement qu'il faut s'approvisionner. Il faut s'approvisionner. Et Allah, dans un verset, nous dit qu'il faut s'approvisionner de piété dans cette vie d'ici-bas. Il faut vous approvisionner, il faut qu'on s'approvisionne de piété, de science, de connaissance de la religion, de cette pratique de la religion. Et c'est pour ça que c'est maintenant qu'il faut le faire, demander le pardon de ses fautes. Regardez dans un hadith qui nous a rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où il y a eu un dialogue entre Iblis et Shaitan avec Allah, lorsque Iblis dit Allah Jalla wa'ala, bi'izzatik wa jalalik, par ta puissance et ta gloire, dans une traduction relative, Shaitan dit Allah, j'égarerai tous les hommes. Il va s'efforcer d'essayer d'égarer tous les hommes. Il ne nous lâchera pas jusqu'au dernier souffle. Il va essayer de nous égarer. Et Allah Jalla wa'ala dit, par ma puissance et ma gloire, dans une traduction relative, je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils me demandent le pardon. Je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils me demandent le pardon. L'importance de demander le pardon. Et c'est pour ça qu'en période de confinement, c'est ça qui est très important. Essayer de s'améliorer, d'évoluer, d'apprendre sa religion et de la mettre en pratique. On a des gens, même en période de confinement, leur langue est mauvaise. On a des gens, même comme cela, ils arrivent à faire de la namima, ils arrivent à faire de la riba, ils arrivent à faire le buhtan ou le kadhib. C'est ce qu'on appelle les mauvaises récoltes de la langue. Lorsqu'on a un cœur pur est bon, alors ça se reflète à travers nos actions et nos paroles. Et le musulman doit préserver ses paroles. Regardez, et c'est pour ça que certains même en période de confinement, leur langue est mauvaise. Ils sont toujours dans des formes de calomnie, dans des formes de médisance, etc. Le musulman doit se mettre à l'abri de cela. Regardez dans un hadith, le prophète, alors qu'il a fait le voyage nocturne, le voyage de l'ascension, il était avec Jibril. Il a vu des gens, ils se griffaient leur visage et leur poitrine à l'aide d'ongles de cuivre. Et là, le prophète, lorsqu'il a vu cela, ces gens-là qui se griffaient les poitrines et les visages à l'aide d'ongles de cuivre, alors il interrogea Jibril, alayhi salam. Il lui dit, « Ya Jibril, man haoula, man haoula. » Et là, Jibril lui dit, « Ceux-là, ce sont ceux qui mangeaient la chair des autres et touchaient l'honneur des autres. » Alors on voit que, c'est pour ça que le musulman, il doit faire attention et préserver sa langue. Groimam disait, n'a certes pas préservé sa religion celui qui n'a pas préservé sa langue. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit toute forme de riba, de calomnie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour a dit à ses compagnons, « Al tadurun amal riba ?» Est-ce que vous savez qu'est-ce que al riba, la médisance? Et là, des compagnons ont dit, « Allahu wa rasuluhu » Ou plutôt ils ont dit, « Dhikruka akhaka bima » Ils ont dit « Allah wa rasuluhu a'lam ». Ils ont dit « Allah et son messager est plus savant ». Et là le prophète Hassan a dit « Dhikruka akhaka bima yakra ». C'est le fait d'évoquer ton frère d'une chose qu'il détesterait entendre, d'une chose qu'il n'aimerait pas entendre à son sujet. C'est pour ça que le musulman, c'est ça le fait de pratiquer sa religion. Aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes qui disent qu'ils apprennent le tawhid, qu'ils apprennent la religion et qui veulent mettre en évidence cela. Mais on voit qu'en réalité, comme on l'a dit dans une autre allocution, c'est qu'une parure. Ils sont constamment dans des formes de médisance, dans des formes de calomnie, dans des soi-disant mises en garde. Ils sont constamment dans des mises en garde. Et ensuite, ils revendiquent la piété. Et ils sèment la division dans la communauté. Alors que, comme on a dit, et c'est le sujet, hein, comme on a dit, le musulman doit espérer pour les autres le salut, il doit espérer pour les autres la paix. Comme on avait mentionné dans d'autres assises, le fait que le musulman soit clément et miséricordieux avec les gens qui sont sur terre, et s'il veut qu'Allah, Jalla wa Ala, dans les cieux, lui fasse miséricorde. Donc, comme on a dit, le musulman sème le bien. Quel est le cas de gens qui sont constamment dans ces formes de mise en garde? Et ensuite, ils disent, cela, c'est au nom d'Allah. Cela, c'est au nom de la religion. Ils divisent. Et Shaitan leur a embelli cette mauvaise action et ce grand péché de diviser les musulmans. C'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment toujours méditer cela et faire attention à ces fléaux qui touchent les cœurs. Les fléaux du cœur comme l'envie, la jalousie, la fausse, la mauvaise rivalité, tous ces péchés qui touchent les cœurs. Vous avez vu, le musulman a un grand travail de purification à faire. Il doit se déconditionner. Donc c'est pour ça que ces fausses mises en garde, il faut faire très attention. Le musulman n'appelle pas aux mises en garde comme cela, injuste. Regardez, le musulman, c'est une personne qui appelle à l'union. Et Allah, Jalla wa Ala, veut de nous, et le prophète, sans ça, nous a appelé à nous unir. Et Allah n'agrée pas pour nous la désunion. Celui qui est une cause de désunion, celui qui fait ce qu'on appelle an-namima, qui colporte des paroles pour désunir et pour déchirer le lien qu'il y a entre les gens, eh ben, cette personne lui attend un châtiment douloureux. Cette personne doit se repentir dès maintenant. C'est pour ça qu'il est dit dans un récit que an-namamoun, ceux qui colportent les paroles, qui font namima, hein, qui font la calomnie et qui colportent les paroles pour semer la discorde entre les gens, ne rentrent pas au paradis. C'est pour ça que le musulman, il souhaite du bien pour les autres. Et la division, c'est quelque chose de très grave, de semer la division. Il y a quelques années de cela, souvent je me posais la question, il y a des années de cela, toujours une question, je me posais une question, comment des gens qui, d'apparence, prétendent être sur la vérité, prétendent suivre la sunna, mais sèment le mal et propagent ces mises en garde-là injustes, propagent la division dans la communauté, au sein des musulmans, et ensuite ils revendiquent être sur la vérité, et ils prétendent être sur la vérité et enseigner le bien. Et jusqu'à ce qu'un jour, je suis tombé sur un passage, et je vous réfère à ce passage-là. Regardez dans le Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. Dans un chapitre, dans les premiers chapitres, dans les cinq premiers chapitres, vous allez voir, il y a un chapitre qui est Bab ad-Dua ila kalimati la ilaha illallah. Ad-Dua ila la ilaha illallah. Donc l'auteur Mohamed ibn Abdel Wahhab, dans son livre de l'unicité, donc c'est l'autre, c'est pas de celui de l'imam al-Bukhari qu'on est en train d'étudier, mais l'autre. Et vous allez voir dans les premiers chapitres, regardez dans les cinq premiers chapitres, il y a un chapitre, c'est l'appel à la parole la ilaha illallah. Et regardez à la fin de ce chapitre, dans les questions, vous regardez, si je me trompe pas, c'est la deuxième masala, le deuxième point, où l'auteur dit une très belle parole. Une très belle parole, et là j'ai compris. Une très belle parole, regardez, il fait une portée d'attention, il dit « Tanbihun ala l'ikhlas, li'anna kathiran law da'a ila l'haq, fahuwa yad'u ila nafsi. Fahuwa yad'u ila nafsihi. Tanbihun ala l'ikhlas, li'anna kathiran law da'a ila l'haq, fahuwa yad'u ila nafsi. » Très belle parole, l'auteur dit portez d'attention en ce qui concerne la sincérité. Portez d'attention sur la sincérité, concernant l'insincérité. Car beaucoup qui appellent à la vérité, en réalité, ils appellent à eux-mêmes. Ils appellent à eux-mêmes. Et dans son explication, regardez, c'est une parole qui est très pertinente et lourde de sens. Et dans son explication, Cheikh Ibn Uthaymeen, de ce passage, il dit que ceux qui appellent à la vérité sont de deux catégories. Ils appellent au bien, ils appellent à la vérité, mais ils sont de deux catégories. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'une personne, il peut appeler à la sunna et à la vérité, mais il va faire partie de l'une des deux catégories. Une catégorie qui appelle vraiment à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette personne est sincère. Il appelle vraiment à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne cherche rien à travers cela. Il n'a pas d'intérêt si ce n'est se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et propager la science que nous a enseigné les prophètes et les messagers, Et il ne recherche aucun intérêt de cette vie d'ici-bas par rapport à sa darwa, son appel et à son enseignement. Ça, c'est la première catégorie. Yad'u ilallah. Al-qism al-awwal, celui qui appelle véritablement Allah. Al-qism al-thani, et la deuxième catégorie, c'est ceux qui appellent à eux-mêmes. Ils se servent de cette vérité, ils se servent de cette religion et de cet appel-là, mais en réalité, ils appellent à eux-mêmes, ils appellent à leur personne. C'est pour cela que lorsqu'on ne leur obéit pas, on n'obéit pas à leurs paroles, alors ils se mettent en colère. Ça fait partie des signes. Et ils cherchent l'alliance et le désaveu pour leur personne ou pour leur shirk qu'ils vénèrent ou ils se font fanatiques de lui. Et là, il faut faire très attention. Donc, une personne peut appeler à la vérité, mais en réalité, là, il le fait pas pour Allah. En réalité, il n'est pas sincère. Il le fait pour lui-même. C'est pour ça qu'on trouve des gens qui, malgré que les premières choses qu'on a appris dans la religion, c'est ne pas être un fanatique. Le musulman n'est pas fanatique. C'est un fanatique de personne. Et le musulman, ni n'est fanatique de quelque chose, ni il n'est fanatique de quiconque, de qui que ce soit. Donc il n'est ni fanatique de quoi que ce soit et il n'est ni fanatique de qui que ce soit. Le musulman suit Allah, suit le Coran, la parole d'Allah et il suit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est infaillible dans la religion, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de jeunes qui vous appellent au fanatisme d'un shir. Et donc il faut faire de l'alliance et du désaveu pour leur shir. Et si vous ne suivez pas l'avis de leur shir et l'opinion de leur shir, alors là, ils se mettent en colère. Et là, ensuite, c'est là qu'ils parlent d'alliance et de désaveu. Alors que cette alliance et ce désaveu ne se fait que pour Allah et pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les premiers enseignements que donnent les savants de l'islam à leurs élèves, c'est d'être fanatique de personne. De ne pas se faire fanatique. C'est pour ça, at-tarassoub, le suivi aveugle, le fanatisme aveugle, est interdit dans la religion. Donc ce qu'il faut faire, ce rappel-là, c'est vraiment un rappel, c'est important. Les musulmans, celui qui a vraiment compris cette religion et la science, il appelle au bien et à l'union, et à éviter de se diviser. Regardez, il y a des gens qui viennent et qui détruisent les musulmans de l'intérieur. Ils détruisent le lien qu'il y a entre les frères, entre les sœurs, de l'intérieur avec leurs paroles. C'est pour cela qu'il faut éviter la fréquentation de ces gens. Car la fréquentation est quelque chose de très important. Et lorsque vous voyez que des personnes sont mauvaises, et le prophète, dans un hadith, dit « Il suffit à une personne pour être mauvaise de mépriser son frère. » Regardez, le prophète nous a interdit de mépriser, dans le sens de dévaloriser nos frères. Donc ce lien de fraternité était fort à l'époque des compagnons du prophète, sallam, et doit être toujours fort à chaque époque et à chaque moment entre les musulmans. Cette religion nous appelle à l'entente. Et celui qui appelle à la division, c'est un shaitan, c'est un démon. Celui qui appelle à nous diviser, à briser, à détruire ce lien qui lie les musulmans et les musulmanes les uns les autres, qui détruit cette fraternité-là, c'est un démon, c'est un shaitan. Les shaitans parmi les djinns, ils s'efforcent à faire ça, à détruire le lien qu'il y a entre un époux et son épouse, entre des frères avec leurs frères, à détruire le lien familial, le lien parenté, le lien de fraternité qu'il y a entre les gens, à détruire ce lien d'amitié qu'il y a entre des gens. Ça, c'est des démons parmi les djinns et aussi des démons parmi les humains. Les personnes qui des bonnes personnes, les personnes qui sont pures et bonnes, eux, justement, s'efforcent de réconcilier. Lorsque ce lien se brise, ils réconcilient. C'est des gens qui trouvent toujours des excuses et des prétextes à leurs frères. Et c'est de ce fait, et avec cela, qu'on peut ici distinguer entre une personne qui est bonne, une personne qui est une très bonne personne et une bonne fréquentation, avec une personne qui est mauvaise. Prenez garde de ces personnes qui divisent. Prenez garde de ces personnes qui essaient de détruire notre lien de fraternité. Regardez dans un hadith qui est immense. Regardez, le prophète, on va terminer avec ce récit. Le prophète nous dit, l'image de l'homme de bonne compagnie et de celle de l'homme de mauvaise compagnie. Le prophète, il va nous donner l'image d'un homme qui est une bonne compagnie, qui est une bonne fréquentation, et un homme qui est une mauvaise compagnie et une mauvaise fréquentation. Le prophète nous dit, c'est à l'image de porteur du musc et celle du forgeron. Donc le prophète va nous parler de celui qui est porteur de musc, qui a une bonne odeur, avec un bon parfum, et l'image du forgeron. Le prophète nous dit, le porteur de musc, de ce parfum, alors il te dit, te donne un peu de son musc, ou bien il te le vend, ou bien tu jouis de sa bonne odeur. Donc une personne, le porteur du musc, de la bonne odeur, de ce parfum, alors soit il va te donner un peu de son parfum, soit il va te vendre un peu de son parfum, ou bien tu vas jouir un peu de sa bonne odeur. Tandis que le forgeron, ou bien il te brûle tes vêtements, ou bien il te nuit avec sa mauvaise odeur. Vous avez vu comment cette immense comparaison et illustration du prophète alayhi salat wa salam concernant la bonne fréquentation. C'est pour ça que le musulman et la musulmane doivent choisir la bonne fréquentation. Celui qui vous prodigue des bons conseils, celui qui est toujours de bonnes paroles. Et parfois on est tous faibles, parfois on peut tomber dans des formes de calomnie, de médisance, de mensonge, et on doit se faire le rappel toujours mutuellement. Et c'est surtout dans ces périodes-là de confinement, de difficultés, qu'il faut s'approvisionner. Il faut vraiment s'approvisionner et vraiment s'habituer à faire le bien. Et donc on s'est fait ce rappel, pourquoi ? Parce qu'on a parlé du nom d'Allah, As-Salam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est salam. Et de lui provient un salam. C'est lui qui procure un salam. Allahumma anta salam, wa minka salam. Comme on l'a appris dans ce chapitre. Et dans l'allocution de demain, si Allah nous le permet, on parlera du deuxième nom, al-mu'min. Le sens de cela et de ses différentes significations. Et ensuite, on parlera de justement cette formule de tashahhud que nous a enseigné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on fait dans la prière. Et donc, vous allez voir, en cela, il y a de nombreux enseignements à ne pas négliger. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.